طيب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Donc on est toujours dans باب الدعاء والدعوة إلى الشهادة أن لا إله إلا الله. Donc le shir, on avait dit après avoir évoqué le tawhid ou le statut, le hukm du tawhid dans le premier chapitre, il a évoqué le mérite du tawhid dans le deuxième, puis l'accomplissement complet total du tawhid dans le troisième et sa récompense, et la peur de ce qui contredit le tawhid dans le quatrième chapitre, c'est-à-dire la peur du shirk, et donc là l'appel au tawhid, donc qui est la voix de tous les messagers, la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ceux qui le suivent et qui l'ont suivi, et ceux qui le suivront jusqu'au jour du jugement, comme on l'avait vu dans le verset de sourate Yusuf. Et on était rentré là dans le hadith de, donc dans le premier hadith que le shir cite dans le chapitre, le hadith de Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhuma, qui raconte comment lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé Mu'ad ibn Jabal au Yémen, comme pour rappeler les gens du Yémen à l'islam, et pour être juge entre eux et pour gouverner cette partie du Yémen. On avait dit aussi qu'il a envoyé Abu Musa al-Ash'ari dans un autre endroit du Yémen. Et donc on avait commencé à lire le hadith. Et donc ce hadith qui nous montre plusieurs choses, entre autres qui nous montre le adab et le comment le prêcheur doit appeler à l'islam. Comme on l'a dit, la prêche, la da'wa, c'est une adoration au même titre que les autres. Et donc cette adoration, ou l'acceptation, la validité de cette adoration est conditionnée par deux choses, comme toutes les autres adorations, l'ikhlas ou le mutaba. Donc il convient au prêcheur de prêcher et de chercher par cela la satisfaction d'Allah Jalla wa'ala, et d'appeler à Allah, à la religion d'Allah, et pas à lui-même, ou à son parti, à son groupe, ou à quelque chose d'autre. Et il convient aussi qu'il emprunte dans la manière, dans la façon d'appeler, la voix des messagers, et la voix du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et de ses compagnons. Et c'est ce qu'on voit dans les deux hadiths, donc dans les deux hadiths du chapitre, que le shir il a cité. Donc le premier hadith, hadith d'Abdullah ibn Abbas, anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam lamma ba'atha mu'adhan ila al-yamani qala lahu innaka ta'ti qawman min ahli al-kitab falyakun awwalu wa awwala ma tad'uhum ilayhi shahadatu aw shahadata an la ilaha illallah wa fi riwayatin ila ani wahidullah فإنهم طاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإنهم طاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإنهم طاعوك لذلك فإياك وكراهم أموالهم واتق دعوة المظلوم فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَ وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ أَخْرَجَ. Hadith qui est rapporté dans les deux sahih, dans le sahih Bukhari ou sahih Muslim. Et on avait commencé à lire le hadith, et entre autres, on avait dit quoi? On avait dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à Mu'adh qu'il allait rencontrer au Yémen des gens du livre, donc des gens parmi les juifs et les chrétiens, et que les ulama, il tire de là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a voulu préparer Mu'adh à rencontrer des gens qui sont des gens du livre, c'est-à-dire qui ont une connaissance des livres révélés avant le Coran, donc des gens de la Torah, de l'Évangile, même si ceux-ci ont été falsifiés. C'est des gens qui avaient une certaine science, qui avaient une certaine connaissance de la prophétie, et qui avaient surtout avec eux des choubouhats. C'est-à-dire, ils ont des choses pour essayer de contredire la religion d'Allah Jalla wa'ala dans son originalité Donc, comme Allah Jalla wa Ala, il l'a révélé dans tous les livres, le tawhid, et surtout des shubuhat, donc concernant aussi la prophétie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et d'autres choses. Donc, ils ont une connaissance du livre globalement et de la prophétie. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme les ulama ont dit, il a préparé Mu'adh à cette rencontre et à cette da'wah. Et on a dit que donc la da'wah, que le da'i, le prêcheur, il doit adapter sa da'wah en fonction de la personne qu'il appelle à l'islam, en fonction de son attachement ou pas à la dunya, comme on l'avait vu dans la parole d'Ibn al-Qayyim. Est-ce que c'est quelqu'un qui accepte le haqq? Est-ce que c'est quelqu'un qui est occupé par des choses de la dunya qui font qu'il ne porte pas attention au haqq, à la suivi du haqq? Ou est-ce que c'est quelqu'un qui connaît le haqq mais qui s'enorgueillit et qui refuse de l'accepter? On avait vu que c'est trois sortes de mad'ou, win, que Ibn al-Qayyim rahimahullah il a cité, et que donc le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a montré comment adapter la manière, ou comment le prêcheur doit adapter sa manière de prêcher selon la personne qui l'appelle. Et là, c'est pareil, selon qu'on appelle quelqu'un qui a une certaine science du livre et de la prophétie, c'est pas de la même manière. Le prophète sallam, il n'a pas appelé ces gens-là de la même manière qu'il a appelé, par exemple, à l'islam, Quraysh, ou des gens, donc des adorateurs d'idoles, qui n'ont pas de livre et qui ne s'attribuent pas, même s'ils s'attribuaient à la religion d'Ibrahim, à Ibrahim alayhi salam, c'était pas des gens du livre. Donc la da'wa, elle est différente d'une personne à une autre selon son niveau dans la religion et selon son attachement à un livre ou non. Et on avait aussi dit quelque chose, enfin le shir ici, on voit que dans le hadith, il cite une autre riwaya, c'est-à-dire une autre version du hadith. On avait dit que ce hadith-là, il est rapporté donc par l'imam al-Bukhari ou l'imam muslim, et que l'imam al-Bukhari, rahimahullah, il ramène une autre riwaya. Donc la riwaya où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit فَأَوَّلُ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ. Il y a cette riwaya où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a cité donc l'islam, ou la base de l'islam, la ilaha illallah, par ces mots. Et il y a une autre version qui est rapportée par l'imam al-Bukhari, ou donc c'est la version ici que le shir cite, donc dans Kitab al-Tawhid, donc dans le dernier livre que l'imam al-Bukhari, où il a fait dans son sahih, donc qui est Kitab al-Tawhid, et là il a cité cette riwaya-là. Cette version du hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit il an yuwahidullah. Or, on avait dit ici, on appelle ça harf masdar ou an masdariya, et yuwahidu fi'al mudari'. Donc, ici, on dit que an et yuwahidu est le verbe an, donc le harf, la préposition yuwahidu, le verbe, on appelle ça fi ta'wili masdar. Fi ta'wili masdar, c'est-à-dire qu'on peut remplacer an et le verbe par le masdar. Le masdar de wahada yuwahidu qui est tawhid. Donc, c'est comme si on disait إلى توحيد الله فأول ما تدعوهم إليه إلى توحيد الله. C'est pour ça qu'il y a des gens, c'est comme ça qu'on répond aux gens qui prétendent que le mot tawhid, il n'est pas cité dans la législation, ni dans le Coran, ni dans la Sunna. On le voit ici que an et yuwahidu, on appelle ça fi ta'wil et masdar en grammaire, c'est-à-dire qu'on peut le remplacer par le masdar, il est tawhid الله. Et on a dit qu'ici, quelqu'un pourrait faire la remarque que il n'y a aucun doute que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a envoyé Mu'adh ibn Jabal combien de fois au Yémen? Une seule fois. Donc il n'y a qu'une seule histoire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, clairement, il n'a pas pu dire toutes ces riwayas. Il n'a pas pu dire il a shahadat an la ilaha illallah, il a an yuwahidullah. Dans une autre version du hadith, il a ibadatillah. Dans une autre version, il a shahadat an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Il n'a pas dit clairement toutes ces riwayas. Le prophète sallam, il en a dit une. Et les ulama ils disent que ça, c'est Ibn Hajar dans Fath al-Bari, il parle de ça. Il dit que le plus probable, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ait cité la première riwaya que le shir il a cité ici, c'est-à-dire la shahada par ses mots. Il a فَلْيَكُنْ أَوَّلُ مَا تَدْعُهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَا إِلَّا اللَّهُ. Parce que c'est ce qu'on retrouve dans l'ensemble des autres textes. Dans l'ensemble des autres textes, on trouve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il utilisait la shahada par ses mots et de manière générale et pas par son sens. Donc comment on explique ça? Comment les ulama ils expliquent ça? Ils expliquent ça par le fait que les compagnons qui ont entendu le hadith et qui ont rapporté le hadith, ils l'ont rapporté, certains l'ont rapporté par son sens. C'est-à-dire, on rapportait le sens du hadith et donc le sens de la ilaha illallah, de ces mots-là, par son sens qui est quoi? Le tawhid, l'adoration d'Allah Jalla wa Ala seul, et le rejet, le désaveu de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, de toute autre adoration. Donc ça montre que c'est de cette manière-là que les compagnons, radiyallahu anhum, ont compris cette shahada, et ça montre encore une fois, après les dalils du Coran, que ce qui est voulu par cette shahada-là, c'est pas simplement le fait de la prononcer, même si c'est une condition de la validité de la foi, comme on l'a vu pour celui qui est capable de la prononcer, c'est que chez Al-Sunna wal-Jama'a, on dit Al-Iman, Qawl wa Amal, Qawlul Lisan. Donc la parole de la langue, c'est un pilier de la foi. Et le pilier, c'est quoi? Le fait de prononcer les deux shahada. Or, si quelqu'un est incapable de les deux prononcer, Allah Jalla wa ala li kallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allah, il n'impose pas une âme ce qu'elle ne peut supporter, mais quelqu'un qui peut la prononcer et qui refuse de la prononcer, il est kafir, bil-ijma'. Ibn Taymiyyah, il ramène l'ijma', wa kafir zahiran wa batinan. Il est kafir intérieurement, extérieurement. Il est kafir, s'il meurt comme ça, il sera il a le hukm del kuffar yawm al-qiyamah. Mais est-ce que ça veut dire que le sens de ces mots-là, c'est le fait de la prononcer et le simple fait de la prononcer? Non, les textes montrent que ce qui est voulu, c'est son sens et que le but final, c'est de connaître son sens et de le mettre en application par l'adoration d'Allah et par le kufr bit-tagut, le désaveu du tagut, ou le rejet du tagut ou le rejet de toute autre adoration en dehors de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, on l'a vu aussi, donc ça, c'est dans la sunna. Donc, on explique la sunna par la sunna. C'est-à-dire, on explique le sens d'un hadith avec une autre riwaya ou avec d'autres hadiths. On verra aussi dans le chapitre suivant, Inch'Allah, donc dans le chapitre de l'explication de la ilaha illallah, qu'à la fin du chapitre, le shir, il cite donc le hadith de Abu Malik al-Ashja'i à propos de son père. Qui a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire: donc celui qui dit la ilaha illallah et qui mécroit en tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, dans une riwaya, pareil dans une riwaya, dans une version du hadith rapportée par l'imam Ahmed dans son musnad, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: celui qui a voué son culte exclusivement à Allah, qui a voué ses adorations exclusivement à Allah. Donc cette riwaya, encore une fois, elle explique aussi le sens de cette parole, la ilaha illallah, ce qui nous montre. Donc tous ces hadiths-là, avec leurs différents riwayats, on peut les ranger, les classer dans le chapitre de l'explication de la ilaha illallah, dans le sens de la ilaha illallah, qui est le tawhid. Comme on trouve exactement, on l'avait dit, la même chose dans le Coran. Certains, on a dit que globalement, Allah Jalla wa Ala, même s'il cite la shahada par ses mots, comme dans des versets qu'on avait déjà cités, qu'on connaît tous, Shahid Allahu annahu la ilaha illahu, والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. On a le verset où Allah dit: وما أرسلنا من قبلك من الرسول إلا نوحي إلي أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. On voit que dans ce verset-là, Allah Jalla wa Ala, il dit qu'il n'a envoyé aucun, il a envoyé tous les messagers qu'il a envoyés, il les a envoyés avec ces mots-là. La ilaha illallah. Et dans un autre verset qui a exactement le même sens, sauf que il va, Allah Jalla wa'ala, dans ce verset-là, il exprime cette shahada-là, mais par son sens. Nous avons envoyé dans chaque communauté un messager, pour adorer Allah et pour dire aux gens, adorez Allah et écartez-vous du taghout. Donc on voit que ces mots sont exprimés là, dans ce verset-là, par son sens. Ou dans le verset où Allah Jalla wa Ala dit, l'ensemble des mufassiroun parmi les salafs, ils disent que le kalimat al-baqiya, c'est la ilaha illallah. C'est ces mots-là. Et comment Allah, Jalla wa'ala, par quoi il a exprimé ces mots-là? Par la parole, en citant la parole d'Ibrahim, Innani bara'u mimma ta'budun, al-bara'a, le désaveu de tout ce que son peuple adorait. Illa alladhi fatarani, il a accepté un seul, Allah, Jalla wa'ala. Donc ça, c'est le sens de bil-ijma', le sens de la ilaha illallah. Et bil-ijma', à l'unanimité des savants, le simple fait de la prononcer avec le fait de le contredire par la parole ou par les actes, ça ne profite en rien à celui qui la prononce. Bil-ijma', comme l'indique encore le hadith qu'on a cité avant, hadith de Abu Malik al-Ashja'i, al-Abi, donc dans Sahih Muslim, man qala la ilaha illallah faqat. Man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'bad min dunillah, et qui mécroit en tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Et on sait que la première chose qui rentre dans le kufr bima yu'bad min dunillah, ou dans le kufr bit-taghut, en d'autres mots, la première chose qui rentre, c'est quoi? C'est le fait de délaisser le shirk. Comme Allah Jalla wa Ala dit, ceux qui s'écartent du taghut à ne pas les adorer, c'est-à-dire en ne les adorant pas. C'est la première chose qui rentre. Donc quelqu'un qui dit la ilaha illallah, mais qui va commettre certaines formes de shirk al-akbar, que ce soit par la parole ou par les actes ou par le cœur. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la parole et les actes, puisque les états du cœur, ça concerne Allah Jalla wa Ala, lui seul en a la connaissance. Mais quelqu'un qui dit la ilaha illallah et qui montre qu'il est ignorant de son sens, et qu'il pratique des choses qui va la contredire, donc évidemment, ça ne fait, on ne peut pas juger de son islam. On ne peut pas juger du fait qu'il ait réalisé l'islam. Après, la question, c'est est-ce qu'on le considère kafir asli, mécréant de base, ou est-ce qu'on le considère murtad, apostat? Le sujet, il est là après. L'ahkam diverge selon son statut. Donc ça, c'est ce qu'on peut tirer de cette version qui est donc complètement, qui est très importante. Avec ces différentes versions des hadiths, on explique le sens de la ilaha illallah et on répond à ceux qui disent qui nous traitent de khawarij, de takfiriyin, de tous les noms, parce qu'on va dire que quelqu'un qui commet du shirk al-akbar, il est kafir, il n'est pas musulman. Pourquoi? Parce qu'il a dit la ilaha illallah. Alors tu es khariji, tu es takfiri, tu es wahhabi, tu es tout ce que tu veux, tu kafar les muslimin, tu kafar les musulmans. C'est pour ça qu'on dit que ce qu'on appelle al-adhir, celui qui excuse les mushrikines, en disant que certes ils font du shirk al-akbar, mais qu'ils sont ignorants, etc., qu'ils disent la ilaha illallah, etc., ça c'est des gens à la base, leur kufr il revient à quoi? Leur méconnaissance de l'islam. Kufr al-jahl. C'est des gens qui savent pas ce que c'est l'islam et c'est des gens qui pensent que le shirk et le tawhid peuvent se réunir chez une seule et même personne. Ou que celui qui dit la ilaha illallah, il a l'isma, ne peut jamais sortir de l'islam. Et donc ils ont réduit quoi à la foi? Elle y mène à quoi? À la parole. Ils ont fait sortir les actes et les paroles de kufr qui annulent cet islam, ils ne rentrent pas dans l'iman. Ou ils ne rentrent pas du moins dans le kufr qui contredit la base de la foi de l'iman. Donc c'est des riwayas très importantes et c'est pour cette raison-là que le shir, rahimahullah ta'ala, avec sa science et son fiqh, il ramène cette riwaya-là à cet endroit-là pour vraiment montrer le sens de cette shahada-là et pour montrer que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam il envoyait Mouad au Yémen, c'est pas simplement pour leur faire dire cette parole-là, mais c'est pour en connaître son sens et le mettre en pratique, parce que ce qui est connu, c'est qu'il y a une partie des gens du Yémen, c'était des juifs. Et que ces juifs-là, il y en a certains qui prononçaient ces mots-là. Or, mais qui prononçaient ces mots-là dans leur mécréance. Donc ça suffit pas. Il faut absolument que la personne, elle délaisse le faux dîn sur laquelle elle est et qu'elle voue son culte exclusivement à Allah Azzawajal et qu'elle reconnaisse aussi la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça que dans une riwaya, il dit فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأني رسول الله et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam c'est l'envoyé d'Allah, c'est le messager d'Allah, chose que reniaient et rejetaient qui? Les Yahoud, les Juifs. Même si certains d'entre eux ne commettaient pas de shirk dans le sens où ils ne vouaient pas d'adoration à autre qu'Allah azzawajal, c'est des gens qui ne reconnaissaient pas la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est ce qu'on avait vu concernant cette riwaya, donc qui est ça, c'est des choses qu'on doit, inshallah, connaître par cœur, puisque par ces choses-là, on explique premièrement le sens de la ilaha illallah, et on peut rejeter la parole de ceux qui disent que la ilaha, le fait de prononcer ces mots-là, ça donne à cette personne-là, ça lui donne une genre de protection, une genre de... ne jamais sortir de l'islam après avoir prononcé ces mots-là. Comme ça qu'on répond. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit فَإِنَّهُمْ أَطَعُوكَ لِذَلِكَ فَإِنَّهُمْ أَطَعُوكَ لِذَلِكَ Donc s'ils t'obéissent dans ceci, c'est-à-dire s'ils pratiquent le tawhid, s'ils adorent Allah jalla wa ala seul et qu'ils rejettent leur dîn, leur fausse religion, leur fausse divinité, alors appelle-les à la prière. Informe-les qu'Allah jalla wa ala leur a ordonné cinq prières de jour et de nuit. Donc cinq prières étalées sur le jour et la nuit. Donc on avait vu que ça montre quoi? Ça montre que la prière, donc qui est le deuxième pilier de l'islam, c'est le rite le plus important après les deux shahada. Et on avait cité l'ijma' des compagnons, radiyallahu anhum, concernant celui qui la délaisse, et que à l'unanimité des compagnons, celui qui la délaisse, c'est le kafir. Et ça, c'est ce qu'ont compris les compagnons aussi des textes qui sont clairs. Donc les textes connus concernant celui qui délaisse la salat, comme la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Bayn al-abdi wal-kufri wa shirk tark salat. Ou d'autres hadiths, hadith qui est rapporté dans Sahih Muslim, ou le hadith de Jabir, qui est rapporté dans Sunan Nasa'i, Al-Ahad alladhi baynana wa baynahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Et beaucoup d'autres, la parole de Omar ibn al-Khattab, la hadha fil islam liman taraka as-salah, ou la parole de Ali, etc. Pareil. Donc, on a beaucoup de paroles rapportées par les compagnons, au moins une dizaine de compagnons, avec des chaînes authentiques, que celui qui délaisse la salat, il est kafr, le kufr al-akbar, c'est ce qui est visé. Pas ce qu'on appelle kufr ni'ma, ou kufr duna kufr. Ensuite, le khilaf qui est venu, il est venu plus tard concernant celui qui délaisse la salat. Si on regarde dans les quatre madhahib, effectivement, il y a un khilaf, c'est vrai. Mais ce khilaf-là, si on regarde, on ne le trouve pas chez les compagnons. Alors après, le pourquoi du comment, c'est à chercher, mais bon, la base, c'est que l'insan, on est responsable devant Allah Jalla de suivre le Coran, la Sunna, et le consensus, et plus particulièrement, comme on l'avait vu dans Al-Wasitiya, certains ulama, comme l'imam Ahmad, Ibn Taymiyyah, etc., ils disent que le consensus qui est, comme ils disent, l'ijma' al-mundabit. Al-mundabit, c'est-à-dire l'ijma' qu'on peut vraiment considérer comme un ijma', c'est l'ijma' des compagnons. Parce qu'après, la science et les ulémas se sont propagés dans les, comme on l'avait vu dans les différentes contrées après les futuhat des musulmans, et qu'il est devenu impossible de savoir si est-ce que tous les mujtahids sont d'accord sur un sujet pour dire que tel et tel hukm fait l'objet d'un ijma, d'un consensus. Or, ça, c'est quelque chose qui était possible à l'époque des compagnons parce que les fuqaha, les savants parmi les compagnons n'étaient pas si nombreux et on savait à quels endroits ils étaient, comme on l'a vu dans le Wasatiyah. Et donc on a beaucoup de paroles de compagnons qui disaient que c'est une grande mécréance, une mécréance majeure et on connaît pas de quelqu'un chez les compagnons qui a contredit leurs paroles, ce qui constituerait un khilaf et donc ce qui contredirait l'ijma. On connaît pas de compagnon qui ait dit ça. Et ça, c'est chez les ulama, c'est considéré comme un ijma. C'est-à-dire que ce qu'il faut bien comprendre quand on dit l'ijma des compagnons, des sahaba, c'est pas qu'on a la parole de tous les compagnons parmi les mujtahidines des compagnons. Ça veut dire qu'on a des paroles de certains d'entre eux. Par exemple, dans ce sujet-là, on a la parole de Omar ibn al-Khattab, on a la parole de Ali ibn Abi Talib, on a la parole de Abdullah ibn Mas'ud, Abdullah ibn Abbas, d'autres encore. On a leurs paroles et on n'a pas une autre parole parmi les compagnons qui contredit ça. Donc on considère ça comme un ijma. L'ijma, ça ne veut pas dire qu'on a toutes les paroles de tous les compagnons. Mais on a des paroles de compagnons et on connaît personne de leur génération qui les a contredits. Et ça, c'est considéré comme un ijma. Et tous les ijma, ils sont comme ça. Tous les ijma, ils sont comme ça. Donc ça, c'est concernant la salat. Et on avait dit aussi que la salat, donc dans la ville plus juste des ulama, et c'est ce qu'indique le Coran et la Sunna, c'est que les kuffars, Allah Jalla wa Ala, quand il leur donne aux gens d'une manière globale d'accomplir la zakat, les kuffars rentrent sous l'obligation. C'est-à-dire que dans la réalité, les kuffars sont responsables de la pratique, de pratiquer la salat, de donner la zakat, de jeûner le mois de Ramadan, de faire le hajj et de délaisser les autres interdits. Simplement, on ne leur demande pas dans la dunya, on ne demande pas à quelqu'un qui n'est pas rentré en islam avec le tawhid, on ne lui demande pas d'exécuter ces rites-là. Puisqu'on sait que ces rites-là, la validité de ces rites-là, c'est quoi? C'est le tawhid. Le tawhid est une condition de validité des autres actes, des autres adorations. Et donc, on leur demande d'abord de rentrer en islam, et c'est ce que montre ce hadith-là. Hadith-là, il montre que on ne demande pas à quelqu'un d'accomplir la salat ou de donner la zakat, seulement après qu'il ait accompli le premier pilier qui est l'islam, le tawhid. Donc on était arrivé là, on était arrivé au moment où il dit, donc après la salat, fa'innahumma atta'uka li dhalik, c'est-à-dire, comme il va le dire, fi dalil, ou aqamu salat shar'iyya, ou aqamu salat shar'iyya, ou fi riwayatin, الفضل وفي رواية الفضل ابن علا ابن العلا فإذا صلوا c'est-à-dire une fois qu'ils ont prié qu'ils accomplissent la prière alors quoi فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم donc informez-les qu'Allah Jalla wa Ala a imposé ou rendu obligatoire une sadaqa. Donc une aumône prise de leurs riches est rendue et donnée à leurs pauvres. Donc là ici, évidemment, ce qui est voulu, c'est la zakat. Donc qu'est-ce qu'il nous dit Al-Muhashi, Cheikh Ibn Qasim, rahimahullah, wa qamu fi dalil ala anna az-zakata awjabu l-arkani ba'd as-salah. Wa qara'naha Allah bis-salati fi akthara من 80 موضعا من كتابه منها وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وعن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعة أمرت بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ومن لم يزكي فلا صلاة له. Donc dans cette partie-là du hadith, on a une preuve que la zakat est l'obligation la plus importante après les deux shahada et après la salat. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a lié dans le Coran l'ordre d'accomplir la salat et de donner la zakat dans plus de 80 endroits du Coran. Comme la parole d'Allah Jalla wa Ala dans Surat Al-Bayyinah, et ils n'ont été ordonnés que d'adorer Allah subhanahu en lui vouant exclusivement le culte et en accomplissant la salat et en donnant ou en s'acquittant de la zakat. Et il y a une parole, il y a certaines paroles donc de salaf qui sont rapportées concernant la mécréance de celui qui ne donne pas la zakat. Comme ici, il cite une parole de Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Il dit marfou'an, c'est-à-dire qui remonterait jusqu'au. Ce serait une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc j'ai été ordonné d'accomplir la salat et de m'acquitter de la zakat. Et celui qui ne s'acquitte pas de la zakat, pas de prière pour lui. C'est-à-dire que la prière de la personne n'est valide qu'avec la zakat. C'est un hadith rapporté par l'imam al-Tabarani. Mais certains ulama disent que le hadith il est pas sahih, il est daif. Quoi qu'il en soit, il y a un khilaf chez les salafs. Est-ce que celui qui délaisse la zakat a le même statut que celui qui délaisse la salat? Il y en a qui disent que oui, il y en a qui disent que non. Quoi qu'il en soit, c'est un grand péché de la délaisser. Ça fait partie des plus grands péchés. Après, est-ce que ce péché-là il fait sortir de l'islam ou pas? C'est là qu'ils ont divergé. Il y a le hadith aussi où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc hadith qu'on trouve dans les deux sahih aussi, hadith connu, « Umirtu an uqatil an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa yuqimu salata wa yu'tu zaka » il a dit, j'ai été ordonné de combattre les gens jusqu'à qu'ils témoignent que nul autre qu'Allah mérite l'adoration et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est l'envoyé d'Allah et qu'ils accomplissent la salat et qu'ils s'acquittent de la zakat. Les autres, ils ont répondu comment? Ils ont répondu à ce hadith là. Donc ça, le hadith, il le cite pour montrer qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ou que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith là, il a lié la salat et la zakat. Est-ce que ce hadith-là, il constitue une preuve sur la mécréance de celui qui délaisse la zakat? Il y en a qui répondent que non, puisque ce qui est voulu ici dans ce hadith-là, le Prophète sallam, il parle du combat. Umiratu an uqatil an-nas. J'ai été ordonné de combattre les gens jusqu'à qu'ils attestent, donc des deux shahada, qu'ils accomplissent la salat et qu'ils s'acquitte de la zakat. Or, ce qui est connu, bilijma', c'est que, on le sait que, un peuple ou une ville qui délaisse un rite de l'islam apparent, comme l'adhan, comme salat al-jama'a, comme salat al-jumu'a, ou d'autres choses, ou l'aïd, qui délaisse ceci complètement, alors on a ordre de les combattre. Ça ne veut pas forcément dire qu'ils sont kuffar. C'est pour ça que les ulama, on sait que les ulama, ils ont divergé. Lorsque une partie, lorsque après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque on sait qu'il y a une grande partie des tribus arabes qui ont apostasié de leur religion, parmi eux on sait qu'il y a des gens qui ont été appelés mani'iz zakat, des gens qui ont refusé de payer la zakat. Et Abu Bakr, on connaît aussi le hadith connu où Abu Bakr il a décidé de combattre, et Omar au départ il a pas compris pourquoi Abu Bakr il voulait les combattre alors qu'il disait la ilaha illallah. Et ensuite Abu Bakr il a montré à Omar que la zakat faisait partie des droits de la ilaha illallah. Et le Prophète il dit à la fin du hadith illa bihaqqiha, et que la zakat fait partie des droits de la ilaha illallah, le haqq al-mal, droit de l'argent, et qu'il allait les combattre jusqu'à ce qu'il paye ce qu'il donnait au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Là, les ulama, ils ont divergé. Est-ce que Abu Bakr, radiyallahu an, il a combattu ces gens-là parce qu'il les considérait murtaddin, apostats, ou est-ce qu'il les a combattus parce que c'est des gens qui ont délaissé un rite apparent, clair, de l'islam, qu'est la zakat? Donc, le fait de combattre une partie des gens ne signifie pas leur excommunication, leur takfir, l'un n'applique pas l'autre. Ce qu'on appelle qital al-bourra. Al-bourra, c'est ceux qui se retournent contre l'autorité, mais par une chose qui ne les fait pas sortir de l'islam. Ils sont combattus bil-ijma', mais ça fait pas forcément d'eux des kofars. Évidemment, ça ne concerne pas une autre partie de ces gens-là qui croyaient, par exemple, en la prophétie de Mousseïlim al-Kadhdhab. Cela, c'était Mourtaddin. Ils ont combattu comme des Mourtaddin. Ils ont appliqué sur eux le hukm de Mourtaddin. Ils ont combattu Qital al-Kuffar. Mais concernant ceux qui ont délaissé la zakat, les ulama, ils ont divergé. Al-Muhim. Ensuite, il dit Wafihi. Donc, dans ce hadith-là, أنها تؤخذ من الأغنياء فترد على الفقراء وهو محتمل لفقراء المسلمين أو فقراء تلك البلدة. يعني c'est ce qui veut dire وهو محتمل لفقراء المسلمين جميعا أو فقراء تلك البلدة فحسب والمحلة والمحلة والقبيلة والطائفة وأنه يكفي إخراجها في صنف واحد بل دلت السنة على جواز دفعها إلى شخص واحد وإنما خص الفقراء وخص الفقراء لأنهم أكثر من تدفع إليهم ولأن حقهم آكد من بقية الأصناف الثمانية وفيه أن الإمام أو نائبه هو الذي يتولى قبضها ومن امتنع منها أخذت منه قهرا قهرا. Donc de ce hadith là aussi, on tire que la zakat, elle est prise ou elle est récoltée, elle est prise des riches et elle est redistribuée aux pauvres. Et ici, on peut comprendre le hadith dans deux sens. Parce que si il dit فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ أَغْنِيَائِهِمْ ici him ou hum, le damir il retourne vers qui? Vers les musulmans d'une manière globale ou vers leurs riches à eux, c'est-à-dire dans leur pays ou dans leur tribu, ou alors les musulmans globalement. فترد على فقرائهم فترد على فقرائهم Donc là, le sujet il est plutôt là, il est plutôt sur فقرائهم. فقرائهم, pas sur أغنياء. Sur فقرائهم, donc من أغنيائهم. Donc on prend l'argent des musulmans qui sont entre guillemets riches. Ici, ce qui est voulu par riche, c'est pas riche dans le sens dans lequel on peut le comprendre, mais on l'avait vu ça aussi, c'est riche, c'est-à-dire que celui qui à la fin du mois reste quelque chose en plus de ce dont il a eu besoin pour subvenir à ses besoins qui sont daruriya, yani les besoins vraiment nécessaires, s'il a plus que ça, s'il lui reste quelque chose en plus de ça, il est considéré comme rani dans l'ahkam, dans les statuts, dans les rites, dans les statuts plutôt. Et le faqir ou le miskin, c'est quelqu'un qui a moins que ça, donc c'est quelqu'un qui n'a pas la totalité de ce dont il a besoin. Encore une fois, on parle des besoins nécessaires durant son mois ou durant le temps qu'on prend en compte. Et donc, s'il a moins de ce qu'il lui faut nécessairement, il est considéré comme faqir ou miskin et il fait partie des ayants droit à la zakat. Donc ici, le sujet dont il parle, c'est « ala fuqara'ihim ». « Fuqara'ihim », est-ce qu'on dit « fuqara'ihim »?« Him », le damir, il retourne aux musulmans d'une manière globale. Et là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la zakat, on a le droit de la sortir. Ça, c'est une mas'ala faqhiya. À la base, c'est quelque chose qu'on trouve dans les livres de fiqh. Est-ce que la zakat, on a le droit de la sortir du pays dans lequel elle a été récoltée pour qu'elle bénéficie à des musulmans dans un autre pays? Ou alors, il faut qu'elle reste à l'intérieur du territoire. Si on dit que Hin, le Damir, il retourne à l'ensemble des musulmans, alors ça veut dire qu'on peut sortir la zakat du territoire. C'est l'avis d'une partie des ulama. Et aussi, on dit que Fuqara'ihim, c'est leur pauvre à eux, à ce village, cette ville-là ou ce pays-là, ça veut dire que la zakat, elle doit rester dans le royaume ou dans le pays, elle doit bénéficier aux pauvres de ce pays-là. Bon, il y a un khilaf entre les ulama, c'est pas trop ici le sujet. On peut aussi tirer yani, que la zakat, on sait qu'Allah Jalla wa'ala dans Surat al-Tawbah, il cite les 8 catégories donc de gens qui sont ayant droit à toucher la zakat. Donc Allah, il parle de fuqara ou le masakin et les autres catégories qu'Allah Jalla wa'ala cite. Et ce hadith-là, il est une preuve que le fait de verser sa zakat à une seule des 8 catégories, ça suffit pour accomplir ce pilier-là. Puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit « Faturaddu ala fuqara'ihim » et elle est rendue à leurs pauvres. Il n'a pas cité les autres catégories, il n'a pas cité les gens en qui on espère l'islam pour les rapprocher vers l'islam. Où il n'a pas cité les gens qui les gens qui travaillent, les gens qui récoltent la zakat, ils font partie des ayants droit, etc. Il n'a pas cité les autres catégories, il a cité que le fuqara. Ça montre que le fait de donner sa zakat à une seule sorte des 8 catégories qu'Allah il a cité, ça suffit. Et ça a même été rapporté, il dit dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à une seule et même personne. C'est-à-dire que je peux donner toute ma zakat à un seul miskin, par exemple. À un seul pauvre, je donne toute ma zakat, j'ai accompli mon devoir, mon obligation. Et on en tire aussi, donc tout ça, c'est des masail faqhiya, mais c'est des enseignements qu'on tire de ces versets-là aussi. Et on a de ce hadith-là, pardon. Et on a aussi dans ce hadith-là le fait que l'imam ou son remplaçant ou son suppléant se charge de ramasser la zakat. Et celui qui refuse de la payer, la zakat lui est prise de force. On lui prend de force. فإنهم أطاعوك لذلك فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم وكرائم فإياك وكرائم أموالهم. Donc si tu obéis dans ceci, أي أدوا الزكاة المشروعة فاقبلها منهم. وفي في رواية الفضل فإذا أقروا بذلك فخذ منهم. Donc, s'ils ont accompli la zakat légiférée, alors accepte-la d'eux. Et dans la riwaya de l'Fadr, un des rapporteurs du hadith, ils avouent, ils expriment l'obligation de la salat, alors prends-leur d'eux. فخذ منهم. فإياك وكرائم أموالهم في أخذ الزكاة بالنصب كرائم على التحذير جمع كريمة خيار المال وفي المطالع هي الجامعة للكمال الممكن في حقها من غزارة لبن وجمل صورة أو كثرة اللحم والصوف. وفيه أنه يحرم على العامل أخذ كرائم الأموال ويحرم على صاحبه إخراج الشرار بل الوسط لأن ذلك سبب لإخراجها بطيب النفس ونية صحيحة فإن طابت نفسه بالكلمة جاز. Donc فإياك وكرائم أموالهم. Iyak, c'est un mot qu'on utilise pour mettre en garde. Et à la base, les ulama de l'usul, ils en tirent, ils tirent de ce mot-là qu'il indique une interdiction. Là-bas, c'est l'interdiction. Iyak, wakada, wakada, ça indique une interdiction. Donc, ne te saisis pas de leurs biens les plus précieux. Donc, dans la zakat. Donc, karaima nasb, bin nasb, karaima mansoub. Et donc, Karaim, c'est le pluriel de Karima et c'est le meilleur des biens. C'est-à-dire, par exemple, des bêtes, si ça concerne des bestiaux, qui ont le plus de lait, ou qui ont la meilleure forme, ou qui ont le plus de viande, ou le plus de laine, etc. Il convient à celui qui ramasse la zakat de prendre le wasat, ce qui est intermédiaire en termes de quantité et de qualité, pour rester juste. Et donc, on tire de, comme on l'a dit, de Iyak, l'interdiction pour celui qui travaille à récolter la zakat de prendre les meilleurs des biens. Et il est interdit aussi à celui qui sort la zakat. Donc celui, le propriétaire des biens qui va payer sa zakat, qui va sortir la zakat, de donner ce qui est le moins bon. Mais les deux, ils doivent s'en tenir à prendre ce qui est intermédiaire en termes de qualité et de quantité. Parce que ceci, c'est une cause pour que celui qui la sort, qui la donne, il le fasse avec une bonne niya, avec un bon nefs. Il est content de la sortir, il a une bonne niya, il le fait pour Allah Jalla wa'ala. Si tu lui prends ses biens, ses meilleurs biens, il va être en colère. Et ça risque d'avoir un impact sur sa niya et du coup sur son acte. Donc on voit ici les maqasid al-shari'a, les buts de la shari'a et comment la justice de la shari'a et comment la shari'a comment Allah Jalla wa'ala il se comporte avec, même si on n'emploie pas, il se comporte pour Allah, mais comment la charia allait avec les gens, de manière à ce que les gens, d'être juste avec les gens, de manière à ce que les gens ils fassent les choses avec une bonne niya. Malgré cela, si le propriétaire des biens, il souhaite de par lui-même sortir les meilleurs des biens, pour plaire à Allah Azza wa Jal, pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, il a le droit. Ce qui est interdit, c'est de lui prendre de force ou que lui sorte des biens qui soient les plus de moins bonne qualité ou ceux qui sont en plus petite quantité. وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ Et protège-toi de l'invocation de l'opprimé, de celui à qui on a fait une injustice. فيجب على كل عامل وغيره أن يتحرى العدل فيما استعمل فيه فلا يظلم بأخذ زيادة على الحق ولا يحابي بترك شيء منه. Et donc ici, واتق دعوة المظلوم, c'est-à-dire, mais la justice, le fait de délaisser l'injustice, une protection entre toi et entre le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. On sait que la taqwa, ça vient de le wiqaya, donc la protection. Le wiqaya, la protection, c'est le masdar de waqayaqi, masdar wiqaya, la protection. On met une protection entre soi et entre le châtiment d'Allah Jalla wa Ala, l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Personne ne peut nous protéger d'Allah subhanahu wa ta'ala en dehors de lui. C'est Allah qui nous protège de son propre châtiment. Par quoi? Par l'obéissance, par la taqwa. Et ici, concernant ici, fattaq al-da'wat al-madhloum, c'est-à-dire fattaqi, mets entre toi et le châtiment une protection qui est quoi? Le fait d'être juste dans ce que tu vas prendre de leur zakat. Al-Muttaqi, c'est celui qui craint Allah Jalla wa Ala dans ses actes. Et donc, qui fait « Fafa'al kama umir » Khalisan lillah. Et donc, qui pratique les actes qu'Allah Jalla wa Ala lui a ordonné en suivant la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et en étant sincère, l'ikhlas. Il y a dans ce texte-là, dans cette partie du hadith, donc une mise en garde contre l'ensemble de sortes du dhulm. C'est-à-dire, ce n'est pas simplement ce dhulm-là. Ce n'est pas simplement ce dhulm-là, donc le fait de prendre de la zakat les meilleurs des biens à quelqu'un. Bien de meilleure qualité. Et d'où le shir il sort ça? Comment on peut tirer ça du texte? Wattaqi da'wata al-mazloum. Parce que al-mazloum, là, c'est une règle de langue de Usul, mais qui est basée encore une fois sur la langue arabe. Al-mazloum, on sait que c'est quoi? Ism maf'oul. Zalama yadlimu. On a al-zalim, l'injuste, al-mazloum, l'opprimé, celui à qui on a fait une injustice. Or, la règle, elle dit, en langue arabe, que lorsqu'on a alif lam, elle, qui rentre sur, que ça soit l'ism al-fa'il, al-zalim, al-zalim, ou sur l'ism maf'oul, al-madhloum, yufidu l'umum. Ça donne comme sens la globalité, la généralité. Donc, wattaqi da'wat al-madhloum, ça, c'est n'importe quel madhloum. Toutes sortes d'opprimés, de quelqu'un à qui on a fait une injustice, quelle que soit de l'injustice qu'il s'agisse. Ça peut être n'importe quelle sorte d'injustice, ça rentre dans le texte. Ça, c'est une compréhension de la langue arabe. Par la langue arabe. Et donc, il est obligatoire à celui qui travaille à récolter la zakat et à autres, donc de faire des efforts à rester juste. Et donc, en même temps, de ne pas commettre d'injustice en prenant plus que ce qu'il a le droit de prendre, et non plus en ne faisant pas de favoritisme, et en délaissant ce que la personne, elle a l'obligation de donner. Par exemple, quelqu'un, il va récolter la zakat chez quelqu'un qu'il connaît, ou quelqu'un de sa famille, il va prendre moins que ce qu'il devrait prendre par favoritisme. Ça rentre aussi dans l'interdiction. De la même manière que prendre plus que ce qui est dû, ça rentre dans l'interdiction et ça rentre dans le sens du dhulm. فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابْ أَخْرَجَ. Donc là ici, فَإِنَّهُ le fa ici, il est, on appelle ça les ta'lil. C'est-à-dire Allah Jalla wa Ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il cite un hukum, il dit donc, crains de prendre les meilleurs des biens des gens et craint l'invocation de l'opprimé, de celui à qui on a fait une injustice. Pourquoi? فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا بَيْنَ اللَّهِ حِجَبْ. Le prophète sallam, il cite la raison, l'illa. Ce fa ici, on l'appelle, on l'utilise pour citer la raison, la cause. فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا بَيْنَ اللَّهِ حِجَبْ. Il n'y a pas entre cette invocation-là et entre وَبَيْنَ اللَّهِ, c'est-à-dire et entre le fait qu'Allah il exauce cette invocation de barrière, de rempart, de voile. Allah Jalla wa Ala, la da'wa del madhloum, il l'exauce. Il dit, فإن دعوة المظلوم لا ترد ولا تحجب عن الله وفيه مشروعية بحث الإمام العمال لجباية الزكاة وأنه يعظ عماله وولاته ويأمرهم بتقوى الله عز وجل وينههم عن الظلم ولم يذكر في هذا الحديث الصوم والحج. نعم. Donc, comme on l'a dit, l'invocation de l'opprimé, elle n'est jamais rejetée. Et elle n'est pas barrée par Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas de barrière entre elle et Allah subhanahu wa ta'ala, et entre le fait qu'Allah il exauce cette demande de l'opprimé. Et là aussi, dans ce délit-là, là, donc le fait que l'imam, le fait que soit légiféré, l'envoi de l'imam, que le fait que l'imam il envoie donc ses hommes pour récupérer la zakat. Et le fait qu'il exhorte ses hommes, donc les gens qui travaillent à récupérer la zakat, qu'il les exhorte à être justes. Et qu'il leur ordonne la crainte d'Allah Jalla wa'ala, comme on l'a vu, en se contentant de prendre ce qui leur revient, ni plus ni moins par favoritisme, comme on l'a vu. Et qu'il leur interdise l'injustice. Ensuite, ici, il fait une remarque. Dans ce hadith-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas cité les deux autres piliers, les deux derniers piliers, al-sawm ou al-hajj. Et là, les ulama, ils ont donné plusieurs explications. Donc là, il cite une parole d'Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala. Donc quand il dit, waqala shir, quand il dit shir, comme ça, mutlaqan, il vise Ibn Taymiyyah, comme on l'avait déjà dit. Quand le shir, ajaba ba'du an-nas anna ba'da ar-ruwa, ikhtasarahu wa laysa kadhalik. Walakin dhalika bihasab an-nuzul al-fara'idi. وأول ما فرض الله الشهادتان ثم الصلاة ولهذا لم يذكر وجوب الحج في عامة الأحاديث إنما جاء في الأحاديث المتأخرة أو أنه يذكر في كل مقام ما يناسبه فيذكر تارة الفرائض التي يقاتل عليها كالصلاة والزكاة وتارة الصلاة والصيام لمن لم يكن عليه زكاة ويذكر تارة الصلاة والزكاة والصوم فإما أن يكون قبل فرض الحج وإما أن يكون المخاطب لحج عليه وأما الصلاة والزكاة فلهما شأن ليس لسائر الفرائض ولهذا ذكر تعالى في كتابه القتال عليهما لأنهما عبادتان ظاهرة ولما بعث معاذا إلى اليمن لم يذكر في حديثه الصوم لأنه تبع وهو باطن ولا ذكر الحج لأن وجوبه خاص ليس بعام ولا يجب في العمر إلا مرة. Terminé avec ça, inshallah. Donc le cheikh il a répondu à ça, donc au fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith là il n'est pas cité dans la da'wa qu'il a ordonné à Mu'adh de faire, il n'a pas cité après la zakat les deux autres piliers que sont le jeûne et le hajj, le pèlerinage. Donc le shir répond en disant, il y a certains parmi les ulama qui ont expliqué ça en disant que les certains rapporteurs ont raccourci le hadith. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas cité tout le hadith. Dans une autre, il dit que ça c'est... Là, il ne l'a pas cité ici, mais dans la parole complète qu'on peut trouver dans Fath al-Majid ou dans Taysir, il dit que ça c'est presque une insulte envers les rapporteurs du hadith. ولكن ذلك بحسب النزول بحسب النزول الفرائض. Donc la première chose, il explique, Ibn Taymiyyah, il dit on peut expliquer ça par le fait que ça c'est dépendant de la chronologie de la révélation des obligations. Il dit la première chose qu'Allah Jalla wa Ala, il a ordonné, c'est quoi? Les deux shahada et la salat. Pour ça que c'est évoqué dans le hadith. Et c'est pour ça qu'il n'a pas cité l'obligation du hajj ou que l'obligation du hajj n'est pas évoquée dans la majorité des hadiths. Pourquoi? Parce que le hajj, c'est la dernière obligation qui a été légiférée. Et c'est pour ça qu'on ne la trouve pas dans la majorité des hadiths. Parce que c'est des hadiths qui ont, que le prophète sallam, il a dit avant que le hajj y soit rendu obligatoire. Et là aussi, on a vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a envoyé Mouadh quand? Il a envoyé Mouadh, c'était, on l'a vu au début du hadith, la 9e ou la 10e année. Donc peu de temps avant, c'était avant l'obligation du hajj, avant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il accomplisse hajjat al-wada'. Il a envoyé Mouadh au Yémen avant. Donc le hajj, il n'avait pas encore été légiféré obligatoire à ce moment-là. Donc c'est une explication, c'est la première explication que le shir donne, c'est ça. Il dit que le hadj il a été évoqué dans les ahadiths qui sont dans les derniers ahadiths qui ont été rapportés. Mais il y en a d'autres, on peut aussi répondre ici quoi? Quelqu'un il peut contredire en disant ouais mais le professeur Salem il n'a pas interdit le jeûne il n'a pas pardon il n'a pas ordonné il n'a pas ordonné dans sa da'wa le jeûne alors que le jeûne il avait été légiféré avant donc cette hypothèse là elle est peu probable c'est-à-dire le fait que le professeur sallallahu alayhi wa sallam il cite dans la hadith que les obligations qui avaient déjà été légiférées au moment où il a envoyé Mouadh c'est ça tient pas dans la mesure où il a envoyé Mouadh vraiment tardivement juste avant son hajj et que le siyam, l'obligation du jeûne du mois de Ramadan, il était déjà légiféré. Donc cette explication, il y a certains ulémas, ils disent qu'elle ne tient pas. La deuxième chose, donc la première, on sait qu'Ibn Taymiyyah, il l'a rejeté aussi, le fait que certains rouas, certains rapporteurs du hadith, aient raccourci le hadith, il la rejette aussi. La troisième explication, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il citait les rites ou les obligations en fonction de la personne à qui il parlait ou en fonction de la situation. Et c'est pour ça que des fois, il citait donc les rites au sujet desquels il a été ordonné de combattre, ou pour lesquels il a été ordonné de combattre celui qui le délaisse, comme on l'a vu dans les hadiths précédents et dans les versets concernant la salat et la zakat. Donc, là ici, il parle des rites apparents que l'on sont la salat et la zakat, et les rites au sujet desquels le professeur sallam, il a été ordonné de combattre celui qui le délaisse. Ou des fois, il évoque la salat et le jeûne, pour celui qui n'est pas concerné par la zakat parce qu'il n'a pas, il n'atteint pas son, ses biens n'atteignent pas, par exemple, le nisab. Ce n'est pas quelqu'un qui a des biens. De temps en temps, il évoque la salat, la zakat et le jeûne. Ça, c'est dans les hadiths, donc comme on l'a dit avant, qui ont été, ou que le professeur Sam l'a dit, avant l'ordonnance du hajj. Ou alors parce que celui à qui le professeur Salami s'adresse, c'est quelqu'un qui n'est pas concerné par le Hajj. Le Hajj, il est obligatoire, on sait, avec certaines conditions. Et concernant, il dit, la salat et la zakat, elles ont un statut spécial que n'ont pas les autres obligations. Et c'est pour ça qu'Allah Jalla il a ordonné le combat. Encore une fois, on a dit avant que ce que qu'un peuple qui délaisse la salat. On a vu que sur la salat, l'ensemble des compagnons sont unanime à dire que celui qui délaisse la salat, c'est un kafir, qu'il soit seul ou que ce soit une jama'a entière, mais que sur la zakat, Allah subhanahu wa ta'ala, dans plusieurs versets, il a ordonné de combattre les gens qui délaissent la zakat. Le professeur sallam, il a ordonné de combattre, il a été ordonné de combattre ceux qui délaissent la zakat. Et donc, dans certains textes, ce qui est visé, c'est les rites au sujet desquels le prophète sallam, il a été ordonné de combattre. Il dit donc que ces deux adorations-là, ces deux rites-là, ont un statut spécial et qui font partie des statuts, ou des, pardon, des rites qui sont visibles. Ce qu'on appelle les sha'a'ir, al-dhahira, comme les adhan, ou comme salat al-jama'a, salat al-jumu'a, comme l'Aïd. Tous ces actes-là qui sont des rites apparents de l'islam, les ulama, ils sont unanimes que celui qui délaisse quelque chose de ces rites-là, il est combattu jusqu'à qu'il y revienne, jusqu'à qu'il l'applique. Et même, ça ne veut pas dire qu'ils sont jugés kuffar. On appelle le qital al-bugha, le combat des rebelles. Et là, ici, donc, sa parole, elle fait référence à notre hadith. Et lorsqu'il a envoyé Mouaz au Yémen, il n'a pas évoqué le jeûne. Il ne parle pas du Hajj, parce que le Hajj, comme on l'a dit, n'avait pas été légiféré, mais il n'a pas non plus évoqué le jeûne. Il dit parce que c'est un rite qui suit les autres rites. Dans une autre parole, c'est une parole du cheikh aussi, il dit que celui qui accomplit la salat et qui donne la zakat, ça c'est des choses, c'est le fait de pratiquer ces deux rites-là, ça va être une grande cause et ça va forcément le pousser à jeûner le mois de Ramadan et à faire le pèlerinage s'il en a les moyens. C'est-à-dire que les deux, le pilier numéro 2, le pilier numéro 3, que sont la salat et la zakat, il dit c'est dafi'a qawi, ça va le pousser à faire les autres rites. Et aussi parce que le jeûne, c'est quelque chose qui est caché. Le jeûne, c'est le fait de délaisser des choses. Le fait de délaisser, le fait de manger, de boire, etc. Donc c'est le fait de délaisser des choses, ce n'est pas des choses qui se voient. Quelqu'un y jeûne, quelqu'un y jeûne pas, on ne sait pas. C'est comme aussi le fait d'être en état de pureté pour prier. Est-ce que quelqu'un vient prier, il a fait ses ablutions, il n'a pas fait ses ablutions? Ça, c'est quelque chose auquel on fait confiance au serviteur. Contrairement à la salat et la zakat, c'est des rites qui sont apparents. Et celui qui les délaisse, on ne le laisse pas comme ça les délaisser sans qu'il se passe rien. Et bon, là, il dit qu'il n'a pas cité le Hajj non plus dans le hadith, parce que quelque chose qui est particulier à chaque personne, ce n'est pas obligatoire à toute personne, on sait qu'il y a des conditions. Et il dit aussi qu'il est ordonné dans la vie d'une seule personne, une seule fois pour celui qui en a les moyens. Donc là, il a évoqué des hypothèses du pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith de Mouad, il n'a pas cité le jeûne du mois de Ramadan et le Hajj. Et on peut aussi rajouter que ce hadith-là, le hadith de Mouad, ou le hadith plutôt d'Ibn Abbas, qui parle de l'envoi du professeur Salem de Mouad au Yémen, ça c'est une grande preuve sur le fait que ce qu'on appelle hadith ahad, le fait de l'acceptation de l'information d'une seule personne, ça nous montre quoi? Que ce qu'on appelle hadith al-ahad, donc le hadith qui est rapporté à un moment de sa chaîne de transmission par un seul rapporteur, que c'est un hadith qui est accepté et qu'on ne peut pas le rejeter. Et ceci, que ça soit dans le usul ou dans le furu', on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a envoyé Mouaz ibn Jabal seul dans cette région de là du Yémen. Il y en a, ils répondent, ouais, non, il a envoyé aussi Abu Moussa al-Ash'ari. Abu Moussa al-Ash'ari, il a été envoyé dans une autre région du Yémen. Il a envoyé Mouad seul. Et même, admettons qu'ils étaient deux, ça reste encore hadith ahad, ça ne rentre pas dans at-tawatur. Donc, ça montre que c'est une preuve de qu'il est obligatoire d'accepter le hadith, même s'il nous vient d'une seule personne, à partir du moment où elle est thiqa. À partir du moment où elle est digne de confiance, on doit accepter son hadith, et même dans l'aqidah, même dans l'usul. Pourquoi? Parce que Mouad ibn Jabal, la première chose à laquelle il les appelle, c'est quoi? Tawhid. Le fait d'adorer Allah azawajal seul, sans lui donner aucun associé. On a dit aussi que ça, c'est une preuve contre les mutakallimin, qui disait que la première chose qui incombe à la personne responsable, c'est quoi? C'est le fait d'observer la création d'Allah ou d'avoir l'intention d'observer la création d'Allah ou de carrément de douter concernant Allah. Ce qui va pousser la personne à observer la création d'Allah et à en déduire que cette création a un créateur et qu'ensuite que ce créateur-là, il faut l'adorer. Donc ça, c'est le mutakallimoun. Toujours dans leur optique de faire devancer leur aql, leur raison et leur logique sur les textes de Coran et de la Sunna, sont arrivés à cette conclusion-là. Or, c'est rejeté par la Sunna, puisque le professeur sallam dit, فَلْيَكُنْ أَوَّلُ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. La première chose à laquelle on les appelle, tawhid, adorer Allah, Allah subhanahu wa ta'ala seul, et désavouez-vous du tarot. Ça, c'est la première chose à laquelle el mukallaf il est appelé. Et donc ça montre que même dans l'usul, même dans l'aqida, on doit accepter le hadith, même s'il est rapporté par une seule personne à un moment de sa chaîne de transmission, si celui-ci est quelqu'un est digne de confiance. Et ça, on avait vu dans le wasitiya que c'est comme ça que le mu'tazila, que le khawarij et que d'autres groupes ont rejeté des hadiths qui sont authentiques, qui sont rapportés dans le Bukhari, dans le Muslim, surtout concernant Shafa'a, le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va intercéder auprès d'Allah jalla wa ala concernant les muwahidin qui font partie des gens des grands péchés de l'Kaba'ir, d'intercéder soit qu'ils ne rentrent pas au feu, soit qu'ils en sortent après y être rentrés. Ils ont rejeté ces hadiths-là avec ce genre de base, al-Mu'tazila et autres, en disant non, non, c'est le hadith, il est ahad, il a été rapporté par qu'une seule personne ou deux personnes. On ne peut pas l'accepter dans l'aqaïd, dans les croyances. Il nous faut un hadith mutawatir concernant, pour établir une croyance, pour établir l'aqida. Et ça a été rejeté, c'est rejeté par ce genre, par ce hadith-là et par d'autres. Voilà, donc on va arrêter. On va arrêter là pour aujourd'hui, Inch'Allah. On lira le deuxième hadith du chapitre dans la semaine prochaine. Donc on arrête là. Wallahu alam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.